confrontation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And as she sings, she wants every word. She's a vampire free. So deep in her soul, she's a vampire free. And the little night you'll know you're. Salut à tous et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 98e Vampire Freaks, spécial collectif de l'œuvre de Pierre, concert du 28 octobre 2017. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon, comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. C'est la 98e et c'est la spéciale collective de l'œuvre de Pierre. Alors au programme, du nouveau, du live, de l'interview et du bon son. On commencera tout de suite avec AMPM, le... C'est une nouveauté, c'est le nouveau titre de AMPM. C'est extrait d'un album à paraître courant 2017. On retrouve Rise of the Mummies, Dictatorship of Fear et Scream Now. Allez sur la page Facebook de AMPM, ils sont sur YouTube. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec Thin the Blue de Airborne. C'est sur l'album Breaking Out of Hell, sorti le 23 septembre 2016. On retrouve Rivalry, Down of New et Bumble. Du excellent son. On continuera ensuite avec Céline de Proto-J, c'est sur l'album Ancien Futur, sorti le 9 mars 2015. On retrouve Criminal, All We Have to Change et Book a New Call. On continuera ensuite avec Line on Fire en vinyle de Liaron, c'est sur l'album Call of the Void, leur troisième album, sorti le 27 juin 1985. On retrouve Rock Me All Over, Burning Love et Evil Game. Et on finira ce bloc en live. Avec Marine Herzbrand de Rammstein à Live in Paris. Donc c'est un double album enregistré en 2014 et sorti finalement en 2017. On retrouve Zenzurt, Mantel, Ishvill, America, enfin bref, les classiques de Rammstein. all of the things that you did. No other pleading in the world not gonna change that. Some things are just too hard to forgive. All of my friends, they used to warn me about you, but I couldn't see a thing past your smile. I know the past is coming right back to haunt you. I hope you like it when the bills start to pile. Too much styling. Turn pop, no style tonight, girl. Your girl, you're cool, are too much styling. Turn pop, no style tonight. I say you're full of too much styling. Turn pop, no style tonight, girl. I know my love for you is spoiling. How many times we've had the same conversation? Why you always find a reason to lie? And girl, it seems you need some deep meditation. Might sound simple, but it's still worth a try. Some of the times me have to wonder if you're crazy. When I think of all the tricks that you pull, I know you're claiming that you wanna be my lady. But equal man full, cause you're full of too much styling. Turn pop, no style tonight, girl. Your girl, you're full of too much styling. Turn pop, no style tonight. What make you full of so much styling? Turn pop, no style tonight, girl. I know my love for you is spoiling. Turn pop, I say no my love for you tonight. Is spoiling. See, my advance lent could I pay your 2 month rent, and you could I work under my employment. For if I was to take you away from all that you claim holds you down, then what would you say? You say. Probably complain just the same, cause it's always about you and your own way. And do you think what life is about for you upping up your mouth? Cause a smile gets you more than a shout. Must be all these guys in your past. I carry you go last. Go a school but you can't teach class. Cause you're full of too much styling. Turn pop, no style tonight, girl. Your girl, you're full of too much styling. Turn pop, no style tonight. Yes, you same one. I say you're full of too much styling. Turn pop, no style tonight, girl. I know my love for you is. Turn pop, I say no my love for you tonight. Is spoiling. Change, you can't pop no style fun. Change, you can't pop no style fun. I've been watching you from out of sight. I've been stalking your heart through the night. With every second, feel my hunger grow. Where or when it strikes, you'll never know. I think gambling, I see you in the distance. You are the target I can miss. Step into my Geister, schwarze Feen. Sie kriechen aus dem Kellerschacht und werden unter euer Gezeug sehen. Ah, moi aussi, quand j'entends ce morceau de Rammstein, ça me fait brûler mon cœur. Mein Herz brennt, c'est la traduction. Vous êtes toujours dans la 98e Vampire Fix spécial collectif L'œuvre de Pierre, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter pour commencer AMPM, le nouveau AMPM, Fin de Blood de Airborne, Styling de Proto-J, Line on Fire en vinyle de Liaron, et on a fini ce bloc en live avec Mein Herz brennt de Rammstein. On continuera cette émission avec Urban Legend, le nouveau Cosmic Vortex. C'est extrait d'un album à paraître courant fin 2017, début 2018. On retrouve Black Lace, Reverie et The Proud. Allez sur la page Facebook de Cosmic Vortex. Ils sont aussi sur YouTube. C'est du très très bon son et une voix magnifique. On continuera avec Cults of the Shadow de Therion. C'est sur l'album Telly, leur cinquième album sorti le 9 août 1996. On retrouve Tomega Therion, Night Side of Eden et Flight to the Rainbow, un classique de chez classique du metal prog et symphonique. On s'écoutera ensuite l'interview de Foxhole. Donc ce sera pas une partie du live de l'émission. Et on écoutera ensuite Vermin 2017 de Foxhall. Ils sont sur la page Facebook, ils sont aussi sur YouTube, ils travaillent sur une page Bandcamp, ils sont, font partie du collectif de l'œuvre de Pierre depuis le début, ils recherchent des dates sur Clermont, vous pouvez les contacter via la page Facebook du collectif de l'œuvre de Pierre et leur page Facebook de Foxhall. On continuera ensuite avec The Guns of Brixton de The Clash, c'est sur l'album London Calling, sorti le 14 décembre 1979. On retrouve Brand New Cadillac, Spanish Bombs et Love is Rock. Et on finira ce bloc en live avec I Can't Get You Babe de Led Zeppelin. C'est sur l'album Led Zeppelin, le premier sorti le 12 janvier 1969. On retrouve Good Time, Bad Times, Dazed and Confused et Communication Breakdown du son culte. Peace. so dark. Illuminators of sex. Brings the putrefaction process to lead the soul across the Styx. Allez, c'est parti. Alors les Foxmall, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va bien. Ah, je sais pas, j'étais pas là. Alors j'ai vu qu'il y avait du changement, on va faire un petit récapitulatif là, on va se représenter les uns après les autres. C'est parti, il n'y a pas de soucis. Allez. Bah, allez. Maxime, commence. Bah moi c'est Maxime, je suis le bassiste de Foxmall et j'aime bien les pinsons. Moi c'est Léo, je suis le batteur. Et j'aime bien Kiss Moon. Et ben moi c'est Duncan, c'est le nouveau guitariste et j'aime bien la bière. Moi c'est Baptiste et je suis guitariste jusqu'à la fin de ce concert. Ah. Ouais, et moi je suis Adrien, je suis guitariste rythmique, le mec derrière le micro et j'aime. Rien. Bah, rien. Si, il a le funk. Ouais. Donc c'est cool parce que j'ai vu que ça, en ce moment ça jouait pas mal. Et donc du coup c'est quand les prochaines dates? Aujourd'hui. Par aujourd'hui. Le 4 novembre. 4 novembre au Caveau des Anges, Clermont. Hum? À quelle heure? 21h30. Le prix de la boisson s'il vous plaît. Je sais pas. Parce que ce sera plus gratuit pour moi. Sinon on a le 17 mars Willy Bar encore à Clermont. Et pour l'instant on a que ça. Ouais mais c'est déjà pas mal, c'est cool. Et donc du coup vous pensez enregistrer du live ou pas? Bah si on a le matos ou... Meg. Si on a le matos. Bah, déjà je vais vous donner l'info. Déjà ce soir il y a ce petit machin, il va être branché sur la console. Donc, ça fait plaisir. Ah, ça cool. Voilà. T'es donc du coup pour vous il y aura quelque chose. Je sais pas trop encore ce que ça va donner. On pourrait dire que ça a été enregistré dans un autre pays juste pour les. Non, on sait pas encore. Et donc. Ouais un truc nul. Live au Japon. Live au Japon. Comme Maiden. Et donc du coup Baptiste. Tu quittes le groupe, qu'est-ce qui va devenir maintenant? Sur quoi tu peux rien? Je vais rester un homme. Ouais, mais... pour l'instant, je sais pas trop, je vais bien faire quelque chose, vous me reverrez sûrement sur scène, hein, je sais pas dans quoi, mais il n'y aura pas de souci avec ça. Parce que moi, j'aimais bien, tu donnais une bonne touche, tu mettais ton... Dadou aussi, c'est autre chose, mais... C'est pour ça que je mets une bonne touche. Voilà, c'est... J'aime bien mettre des corners aussi. Oh, toujours dans l'humour. J'aime le beau. Mais moi aussi. Et je sais pas pourquoi je frappe Duncan alors c'est lui que j'aurais frappé. Et donc du coup ouais Duncan, toi qui arrives, bah du coup tu t'es dans quel groupe encore? Champignon électrique. Ah c'est rigolo. Ouais, c'est drôle. Je crois qu'il y a des petits rapports à ne pas trop dévoiler dans le groupe. Oh, mais bon. Faut pas le dire là. Calme-toi, c'est ici, en public. Bon, ben c'est cool. On a fait la version courte là, sur ce coup-là. Shut up. I can't quit you, baby. I think I'm gonna put you down. Mais c'est vous qui êtes les bienvenus à Paris. Vous êtes toujours dans la 98e Vampire Freaks, spécial collectif Love de Pierre, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là. Urban Legend, le nouveau Cosmic Vortex, Cult of the Shadow de Therion, on a eu l'interview des Foxhole, on a eu Vermin de Foxhole, on a eu ensuite le Guns of Brimstone de The Clash, et on a fini ce bloc en live avec Enki Tube Babe de Les Épines. On continuera avec une autre nouveauté, Punk is Dead, le nouveau Diva. C'est sur l'album de The White One qui sort fin octobre de 2017. On retrouve I Was Blonde, Sorry Baby et Under Your Pressure. Allez sur la page Facebook de Diva, ils sont sur chez Kebra Records et sur Bandcamp et bientôt sur YouTube. On continuera avec un autre grand classique, Break On Through to the Other Side en vinyle de The Doors. C'est sur l'album The Doors sorti le 4 avril 1967. On retrouve Soul Kitchen, The Crystal Chip et Breakdown de Backdoor Man. Et bien sûr, Light My Fire du son culte. On continuera avec une autre nouveauté, Mechanica, le nouveau Migazo. C'est aussi le titre de cet album sorti le 20 octobre 2017. On retrouve Assassino, Richard Cata et Occhi di Pantera. Eh ouais, c'est du Ramones chantant en italien et moi j'adore. Allez sur la page Facebook de Migazo, ils sont aussi sur Bandcamp et bientôt sur YouTube. Je vous filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. On continuera avec l'interview de Void. Et on continuera toujours avec Whisperbound, c'est une démo de 2017. Ils sont de Clermont-Ferrand, ils cherchent des dates Influence Pixies et Velvet Underground. Ils sont sur Facebook, SoundCloud. Je vous filerai les liens sur la page Facebook de l'émission. Et on finira ce bloc en live avec Black Enough de Steel Pulse. C'est sur l'album Rage and Fury, sorti le 19 août 1997. On retrouve Rolly Model, de Real Terrorist et Ku Klux Klan, un classique de chez classique du reggae. I'm stuck in the middle of nowhere and I stand here without you. Stuck in the middle of nowhere and I stand here without you. I'm stuck in the middle of nowhere and I stand here without you. Stuck in the middle of nowhere and I stand here without you. Hurry up and wait, I'll be soon here with you. Hurry up and wait, I'll be soon here with you. I'm stuck in the middle of nowhere and I stand here without you. Stuck in the middle of nowhere when I stand here without you. Hurry up and wait, we'll be soon away. Hurry up and wait, we'll be soon away. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. waste our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. On est parti. Alors Void, bah déjà je suis super content de faire votre connaissance. J'entends parler de vous depuis quelques temps, comme je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, voilà, présentez-vous, parlez-nous un peu de vous. Qui commence? Vas-y Pierrot, t'as déjà une expérience de la radio. Bah, Void, on est dans sous sa forme actuelle, ça existe depuis 4-5 mois, puisqu'on a un nouveau bassiste. Avant on avait un autre groupe, on a changé de bassiste, on a changé de nom du coup aussi. Un peu d'orientation aussi, et puis depuis on fait un peu plus de concerts, parce que pendant quelques années on avait répété juste sans faire trop de scènes, quoi, enfin en faisant juste en jouant entre nous, quoi. Void, je sais pas que... D'où le nom, pourquoi ce nom d'ailleurs? Le nom du groupe d'avant était un peu long, ouais. On a cherché un truc court, assez facile à mémoriser. Après la raison, y a le fait que Void, enfin ça veut dire vide en anglais, ouais. Et moi, je suis un fan d'Eliott Smith, personnellement. Ouais. Et il y a un tag dans la vie d'Eliott Smith sur un mur où il y a écrit « Art fills the void », ah, « L'art remplit le vide ah, ». Je oui. trouvais que c'était une belle phrase. Ouais, c'est une bonne philosophie. Voilà, et donc, puis, du coup, voilà. les postes des uns et des autres, là. Bon, moi, je suis batteur. Ouais. Je suis batteur bah, depuis le début, en fait. Au début, le groupe a été créé par Pierrot et moi. On s'amusait tous les deux, lui à la guitare, moi à la batterie. Puis est venu se greffer Florian, le guitariste soliste. Puis dernièrement, donc récemment, Pat. Ok. Pat qui est bassiste. Ok. Et plutôt compo ou reprise? Bah de plus en plus de compo. De plus en plus de compo. Ah. On a commencé par des reprises. Là, on en est à, je dirais, trois quarts compo, un quart de reprise. Ah, bah voilà, ça c'est intéressant. Et donc, du coup, des albums, des MP3, vous avez quoi? Alors, c'est pour l'instant, les enregistrements qu'on a, c'est en répète. Ouais, j'ai eu. Mais on veut enregistrer. Bah déjà, le but ce serait d'enregistrer en studio. Ouais. On n'est pas tout à fait calé pour ça. Non. Donc, on va essayer d'enregistrer sur Cubase à ouais, la maison. Mais il y a des logiciels qui vont bien, comme Ableton, des choses. Voilà, Cuba c'est pareil. Ça c'est simple à utiliser, c'est ce que j'utilise moi, Ableton. Donc, ça nous on va essayer de se faire une petite démo assez ouais, propre. Bah c'est cool ça. Et de faire 4-5 morceaux à voilà. pouvoir envoyer. Chaîne YouTube, Facebook. Facebook, ouais. Facebook, oui. C'est monsieur qui. J'ai pas fait de YouTube encore parce que les vidéos, pour l'instant, c'est des vidéos de répète. Ouais. On a fait peu de concerts. Après, la chaîne YouTube, je la ferai. Et donc du coup, comme je disais, ça tourne pas mal avec Foxfall. C'est quand votre prochaine date? C'est la semaine prochaine. Samedi prochain. À quel endroit? À Clermont. À Clermont. Au caveau des Anges. Ouais. Au caveau okay. des Anges à Clermont. Ben, merci, j'ai fini. Vous voyez, c'est pas... Ouais, bah, c'est super. Ça va très bien. We'll be right back. Una meccanica implacabile fa parte di te. Una

standing up for you. Been set for freedom, an opportunity. International rescue, and my philosophy. Bah moi perso les Steel Pulse ça va et je pense que la tribu qui suit ça doit être pas mal aussi. Vous êtes toujours dans la 98e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. C'est la spéciale collectif l'œuf de pierre. On vient de s'écouter Punk is Dead, le nouveau Diva, Break on Through to the Other Side en vinyle des Doors. On a eu l'interview de Void, on a eu écoute ensuite Whisper, le nouveau Void, Mechanica, le nouveau Migazo, et on a fini ce bloc en live avec Black Enough de Steel Pulse. On continuera cette émission avec Laisse-toi aller, le nouveau Yalis. C'est un single d'un album à paraître très vite. Allez sur la page Facebook de Yalis, ils ont fait un super clip en famille sur le titre Laisse-toi aller. Je filerai le lien YouTube, un super beau clip. On continuera avec What the Fuck de Binao, c'est sur l'album Come to the Dark Side, We Have Some Cookies, sorti en 2014. On retrouve For the Rock, Lost in the Dark Forest, La Fille de Nelson Montfort 1 et 2. Bise à toi Ben, il est en écoute sur Bandcamp et il y a quelques traces sur YouTube. On poursuivra avec l'interview d'Arnaud Futur. On écoutera ensuite GarageBand d'Arnaud Futur, toujours. C'est sur l'album Cannibal, sorti en 2017. On retrouve Je rêve dans le RER, Big Brother, Un samedi soir, Un mec extraordinaire. On continuera avec Look Around, le nouveau George Dub, featuring Lord Faya. C'est sur l'album Fred's Meeting, sorti en août 2017. On retrouve Mashup de Party, featuring Lord Faya, Ja Horns, featuring Elling Ford, Rasta Never Give Up de Tomso. Avec Tomso, et allez sur la page Facebook de George Dub, il est sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales de streaming. Et on finira ce bloc en live avec The Queen is Dead de The Smiths. C'est aussi le titre de cet album sorti le 16 juin 1986. On retrouve I Know It's Over, Cemetery Gates et No One Ever. Un super album. Yeah. voici un autre de mes grands joueurs de violon préférés. Je joue de la guitare. Bling, blanc, prêt à tout contrer. Détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Je joue de la guitare. Bling, blanc. Tu sens déjà le truc génial, quoi. Un violon, ceci est une guitare. Je ne joue pas de la guitare classique. Je ne joue pas du flamenco. Je joue de la guitare sommaire. Toi, t'as tout compris. What the fuck, man? Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Je vais détruire ton anus. Alerte psychopathe. Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Je vais détruire ton anus. What the fuck, man? Je ne joue pas de la guitare classique. Je ne joue pas du flamenco. Je joue de la guitare sourire. Toi, t'as tout compris. Détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Je vais te baiser, puis te manger, puis te vomir, puis te rebaiser, puis te remanger, puis te revomir et te rebaiser. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? C'est ma bite tellement profondément dans ton cul que celui qui arrivera à la retirer sera surnommé le roi Arthur. Détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Je joue de la guitare. Au niveau de la composition musicale, c'est hyper recherché. Le mec, il t'a pas mis une note, mais deux notes dans toute sa musique. C'est énorme. Comme ma bite. Détruire tous tes rêves et tous tes espoirs, je vais détruire ton anus. Plus jamais vous me faites écouter un truc pareil, c'est insupportable. Plus jamais, plus jamais. Voilà. Bah Arnaud, bah je suis très très content de te enfin te rencontrer depuis après presque deux ans de Facebook. Ouais. Comme quoi ça peut aider un peu. Ouais. C'est comme je te disais, moi c'est quand tu m'as accepté en ami, j'y ai pas cru. Et puis quand j'ai reçu tes premiers messages et le salut camarade, j'ai compris que c'était toi. Et du coup, bah, je suis très très très heureux de t'accueillir ici à Chadrac. Et bah, moi je te connais, mais certains ne te connaissent pas. Donc présentez-vous un petit peu. Bah, je m'appelle Arnaud Futur. Voilà, je suis Arnaud Futur. J'ai fait partie d'un groupe de punk avant. J'ai appelé les Salles Majestés. Et aujourd'hui, bah, j'ai sorti un album solo et c'est pour ça. Et d'ailleurs, il cartonne, il est excellent ton album. Bah, merci. Et, hein. Et du coup, est-ce qu'il y aura un live? Balance-moi cette info. Il y en aura un sûrement, parce que bon, le propre d'un groupe, c'est quand même d'être sur scène et de retranscrire un peu ça. Il y en aura un quand, je ne sais pas. Peut-être quand j'en aurai écrit encore un peu plus de morceaux pour avoir un show un peu plus. J'ai vu là tout à l'heure au Balance, il y en a certains qui ne sont pas dans l'album. Non, qui étaient sur un autre album qui s'appelait à l'époque Juge Fulton. Ouais. Et c'était un autre album que j'avais écrit, s'appelait Universal Douleur. Donc voilà. Et c'est des morceaux que j'intègre dans le show parce que je trouve qu'ils vont bien avec les messages que j'ai envie d'envoyer. Ouais, mais c'est justement, tu fais passer le message depuis un certain nombre d'années maintenant. Et, et ton message, il est toujours aussi clair. Et pour des vieux fans comme moi, on peut pas passer à côté de la chose, quoi. Et du coup, c'est quand les prochaines dates? La prochaine, ça va être à Caen, alors, avec les Shérifs. Ouais. Après, on a une autre à Paris en première partie des UK Sub. Donc c'est quand même une belle rencontre, parce que c'est un groupe mythique et que en plus j'aime bien le fait de jouer avec d'autres groupes. Et puis il y a d'autres dates qui vont venir, elles ne sont pas encore toutes posées, mais il y a plein de projets qui vont se mettre en place. Là on démarre un petit peu tranquillement, puis on va accentuer les choses. Quoi. Ouais. Et puis j'ai envie de jouer un peu partout. Quoi, parce que, justement, c'est l'objectif de cette petite interview qui va être diffusée sur mon émission et sur des web radios, je peux le dire, il y en a deux. Je suis très content de t'avoir avec nous. Et puis c'est un peu grâce à toi si on est à Chadrac ce soir, quand même, faut le dire. Ça me touche. C'est vrai que c'était un travail de longue haleine. Deux ans, mais c'était la patience après. On est arrivé, ouais. Et du coup, les projets, un album, un autre album. Le projet actuellement, c'est de tourner. Et puis aussi, bien sûr, on est toujours dans l'idée de faire d'autres morceaux. Après, les idées, elles viennent. Après, faut se poser, faut prendre le temps, faire une tournée et en même temps s'arrêter pour faire en même temps, c'est compliqué. J'ai eu fait ça avec Sa Majesté, c'est vrai que c'était assez crevant, je dois dire. Ouais, enchaîner les tournées et le studio. Et c'est même pas... des fois, en même temps, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc là, je pars sur vraiment une optique cette année de faire de nombreux concerts et après, je verrai au niveau de trucs. Mais bien sûr qu'il y a un autre projet et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est toujours une nouvelle aventure. Moi, en attendant, je suis très très content d'avoir pu passer ce moment avec toi, parce que il y a ce qu'on entendra et ce qu'on n'entendra pas par quelques oreilles. Et tu sais quoi, je suis trop content que tu sois mon camarade, quoi. Bah écoute, camarade. Moi, je vous souhaite qu'un bon concert, foutez-nous le feu, retournez Shadrach et... Peut-être que je m'incrusterai sur scène, mais faut pas que la sécurité elle me vire. Mais si tu veux me chanter avec moi, camarade, c'est avec un grand plaisir. Ça sera plaisir. On chantera un des morceaux de Sa Majesté à la fin. Donc, on t'accueille pour venir chanter, camarade. Voilà. Allez, il y a pas de problème. C'est fait. On tape. Fait. Check. Voilà. C'est fait. Donc, ça va être bien. Au fond de mon garage, quand la nuit est tombée, j'ouvre mon garage-vent pour mieux me révolter. J'enregistre des sons et je colle des mots qui parlent de colère et de révolution. Alors je fais des temps, j'accélère les tempos. Je prends un épinaire qui me porte sur les nerfs. Je change la clé de dos et j'ose le ton. En train de garde gros, je fais mes textes solo avec garage-vent. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel avec garage-vent. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel. Quand j'utilise Pro Tools, je me sens toujours cool. Grâce à Logic, je reste toujours très chic. Je vis ma vie à fond au fond de mon garage. Soldat de garage vent pour mieux soigner mes mots. Alors je fais des ponts, j'accélère le tempo. Je prends un éternel qui me colle sur les nerfs. Je change la clé de dos et chausse le ton. En train de faire le croc, je fais péter le solo avec garage vent. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel avec GarageBand. Moi je bande avec mon logiciel. Oui, je monte au ciel. J'ai tous les processeurs sous antidépresseurs. Depuis que GarageBand nous a laissé tomber, moi et mon clavier, on s'est mis à divaguer. On utilise des groupes pour faire des grosses guitares qui sonnent comme un Marshall dans la fumée trop tard. On se branche au midi même quand il est minuit. Les céréales killers sont encore de sortie. Et toutes les nuits, tous les chats sont gris. Alors on fait le temps, on accède à plus de tempo. On reste en eau majeur et on prend des rythmes ternaires. On offre plus le taux entre deux paires de crocs. Et on joue solo, et on joue solo. Ship, or are you a lion? Conquering lion could break every chains, you know. I don't want to be told what to think. Well, I must love and what I have to hit. You don't understand that I'm not a ship. Look around, we're not going to sleep. I don't want to be told what to think. Well, I must love and what I have to hit. You don't understand that I'm not a ship. Look around, we're not going to sleep. I don't live in a virtual world. Life is real, so listen to my words. We are so strong behind a computer. But we are really, really bad when we live together. I don't want to be told what to think. Well, I must love and what I have to hit. You don't understand that I'm not a ship. Look around, we're not going to sleep. I don't want. positive living like a lion. You cannot recline out of your bubble. Come in this jungle. Live the life you love. Love the life you live. Give on me good vibes always. Be positive living like a lion. You cannot recline. You don't understand, but I'm not the ship. Look around, we're not going to sleep. And I'm living a bit unwell. Life is real, so real, so listen to my words. But we are really, really bad, really, really very bad when we live together. I don't want to be told what to think. Oh, I must love and what I have to hit. You don't understand, but I got the shit. Look around, we're not going to sleep. Are you a lion? Conquering lion could wreck any chance, you know? Vous êtes toujours dans la 98e Vapeur Freak spécial collectif œuf de pierre. C'est Spike qui débarque dans votre salon comme chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. On vient de s'écouter Laisse-toi aller, le nouveau Yalis, What the fuck de Be Now. On a eu l'interview d'Arnaud Futur. On a écouté ensuite Garage Band, le nouveau Arnaud Futur. On a eu ensuite une autre nouveauté, Look Around, George Dub featuring Lord Faya. Et on a fini ce bloc en live avec The Queen is Dead de Smith. On continuera cette émission avec en live avec New Rose de Damned. C'est sur l'album Live at Newcastle sorti le 15 juin 1983. On retrouve Discoman, Generals et Love Story. Un classique de ces classiques du punk. On continuera ensuite avec une autre nouveauté, Ils me saoulent tous, le nouveau Doulez Indio. C'est sur l'album Comme tout homme, volume 1, sorti en 2017. J'ai entendu dire que le deuxième, le volume 2, était en préparation. Faut que je me le trouve. On te retrouvait donc sur Comme tout homme, volume 1, demain. J'ai vu, donc ils ont fait un super clip visible sur YouTube, je filerai le lien sur la page Facebook de l'émission, et le titre Bizarrement Parfois, notamment, un magnifique album. Le volume 2 est en cours, mais chut, moi je vous ai rien dit. On continuera avec une autre nouveauté de Beats Shadow de Dillinger. C'est sur l'album Tell Ya No Lie, sorti le 5 mai 2017. On retrouve Natty D. Roller, Girl of Town et Stop Violence. On continuera ensuite avec Comment fait-il, une nouveauté de Control Tower. C'est sur l'album Bienvenue dans le quartier, enfin l'EP 4 titres Bienvenue dans le quartier, sorti en 2017. On retrouve Bobo, Votez pour moi, Comment fallait-il, et écoute, un excellent EP. Allez sur la page Facebook de Control Tower, il est sur Bandcamp et YouTube, un petit like au passage. Et on finira ce bloc en live avec Spreading the Disease de Queensrÿche. C'est sur l'album Live Evolution, sorti le 25 septembre 2001. On retrouve Walk in the Shadow, Eye of the Stranger, un excellent album, et London. It's really going out of him. raconter ce qu'ils donnent et ce qu'ils prennent, à vouloir tout maîtriser sans se demander où ça mène. Ouais, ils me saoulent tous à transformer l'amour en haine, même en pensant qu'à soi-même ils arrivent à oublier qui est. Ils ont tous sans tête le phénomène que la douceur peut faire plier, que s'attacher aux problèmes il faut s'y habituer. Ils ont pas tort et c'est peut-être pour ça qu'ils me saoulent tous avec leur jugement jetés comme des mauvais sorts. Ils me saoulent tous avec leurs grands mots, leurs paroles qui resteront à l'oral, alors que l'action ferait du bien au moral. Ils me saoulent tous avec leur fin du monde transformée en mode, alors qu'il y a tant à faire pour remédier à la fin dans mon pote. On a tous besoin d'un coup de pouce, voire de secours. Quand les secousses de la vie on se rebooste, mais faut des sous pour. Ils me saoulent tous avec leur intolérance et leur vision. Vu que tu penses pas comme moi, je vais te pourrir ton horizon. Ils me saoulent tous. Ils me saoulent, ils me saoulent, ils me saoulent, ils me saoulent, ils me saoulent, ils me saoulent tous. Ils me saoulent tous à voir la panoplie qui se déploie comme des détails. Opter pour le repli sur soi, voir à qui ils donnent des médailles. Et d'ailleurs, ça sert à quoi? Moi, partout j'ai l'impression d'être tailleur. Ils me saoulent tous à me demander des coups de pouce. Ils me tournent le dos quand mon compte en banque s'essouffle. Ils me saoulent tous à voir la vie en noir ou à préférer l'illusion au désespoir. Mais il y a d'autres choix. Au fond, je ne sais pas, peut-être que c'est moi. J'avoue que je me saoule quand je vous dis ça. Reprenons-nous en main, mais dès demain, car aujourd'hui je me saoule. Celui qui n'est pas le connard de l'autre sera celui de l'un. Sera celui de l'un, ouais, sera celui de l'un. Come here for love, Mr. Bill, they go Jada children. Jada children, let them go. They go Jada children. Man, Mr. Bill, they go Jada children, let them go. Lego, Lego, Lego, Lego. Man, Mr. Bill, they go Jada children. Babylon, Mr. Bill, they go Jada children. Whoa, Lego Jada children, let them do what they want to do. Let go judge our children and let them be free. For freedom is what we want. Cause right now we have a $1 billion. I'm in a prison for $1 billion. I cannot get to spend it. I will tell you that I want to be free. Me say feel let go judge our children. Let go judge our children. I will tell you I will never, never, ever stop until you let them go. They say let go, let go, let go. Let go judge our children. And drive them have their mind. Don't even know our brother. Two them have their mind, them use their mind to beat right. But might cannot beat right. When not the children them right. Whoa, say all the children right. Whoa, say all the children no wrong Babylon. And me say feel Lego, Jada children Babylon. Man, me say feel Lego, Jada children Babylon. Me say feel Lego, Jada children Babylon. Let them go them way, yeah. Go a road, go look for wanted man. Go a road, go look for criminal. Leave Christian children alone. I would tell you, don't you trouble them, leave them alone. The Lego Jada children Babylon. Some me say the Lego Jada children Babylon. Only see rude boy I hide. Only see bad man I hide. Only see wanted man I hide. Tune a court, but when I see simple town, I call on funny man. Say that the Lego Jada children Babylon. Babylon. Occupé à t'entraîner, à te battre, mais pourquoi faire quand tu sais que même le plus faible peut gagner à chauffer des noisettes, vivre comme des éviers qui même en flamme ne pourraient éveiller l'envie d'être sur terre ou d'affronter la fondation d'un foyer. La fondation d'un foyer. Bien que trop rare, elles ont existé, les quelques femmes qui auraient pu compter les heures, les jours, les mois, les années. T'es compté au lieu de ça, tu t'es toujours contenté de quelques coups vite faits, parfois très appréciés, mais paraissant désuets, comparés aux actes manqués. Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise qu'elle refuse ma hantise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Tout jeune homme dit timide, dit mal dans ta peau. Toujours trop sensible, toujours trop réglo. Pour surtout plus faire partie de la meute des puceaux. Tu passes à l'acte, ni trop tard, ni trop tôt. Mais tu restes vierge dans ta tête et tu restes vierge dans ton cœur. Jamais la bonne personne, jamais à la bonne heure. Tu prépares un avenir à la seule contre tous. Entouré peut-être, mais sans elle. Entouré peut-être, mais sans elle. La plus belle que t'aies vue, celle que tu revois encore. Dès que tu baisses la garde face à tes remords. La plus intelligente, la plus tendre, la plus douce. La plus risquée aussi, celle qui te pousse à dire que. Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment fallait-il que je lui dise? Votre On vient de s'écouter New Rose de Damned, Ils me saoulent tous, le nouveau Doules Indio, de Beast Shadow de Dillinger, Comment fallait-il, le nouveau Control Tower. Et on a fini ce bloc en live avec Spilling the Disease en live de Queensridge. Cette 98e Vampire Freak spécial collectif Hub de Pierre est bientôt terminée. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freak, l'émission radio. Retrouvez-moi aussi sur archive.org pour le podcast. On finira cette émission en live puisque c'est une émission spéciale, donc le générique sera en live avec Welcome to Tijuana en live de Manu Chao. C'est sur l'album Clandestino sorti le 6 octobre 1998. On retrouve Clandestino, Je t'aime plus et Mincha Galera. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, et surtout n'oubliez pas Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!